yeux pour t'en sortir. Y'a pas d'issue, je vais pas me laisser berner quand je vois que leurs promesses n'ont pas tenu. Sans issue. T'as beau avoir les clés pour t'en sortir, y'a pas d'issue, je vais pas me laisser berner quand je vois que leurs promesses ne sont pas tenues. C'est sans issue. J'ai 35 ans, j'ai que mes. Tu sais ce qui me dérange le plus, voir que rien n'a changé, au pire c'est aggravé processus habituel de l'État pour gérer sa jeunesse, des barrières et des lois que tous ici transgressent. Ouh. Le faciès est un critère de choix, de jugement, comme la couleur de peau ou le manque d'argent. Depuis longtemps on lutte pour faire tomber les barrières, mais trop de fils de pute viennent salir nos affaires. L'État nous a dans ses serres, mais on fait tout pour s'en écarter, sinon à quoi ça sert que des refrains se soient fait serrer. On a tous bonne mémoire et chaque jour nous rappelle qu'il faut garder l'espoir, la cause est juste le cri sans appel. T'as beau avoir les clés pour t'en sortir, y'a pas d'issue, je vais pas me laisser berner quand je vois que leurs promesses sont pas tenues. T'as beau avoir les clés pour t'en sortir, y'a pas d'issue, je vais pas me laisser berner quand je vois que leurs promesses ne sont pas tenues. C'est sans issue, sans issue. Aujourd'hui tous ont déserté les bancs d'école depuis longtemps, abusés trop souvent par le système et l'enseignement. Mais nous qu'est-ce qu'on a par l'envie d'écrire et de la rage? Comment peuvent-ils sortir d'un système qui nous-mêmes nous a mis en cage? Aucun exemple, aucun repère, c'est dans la connerie que ça gère. Une fois que t'auras saisi ton rôle, t'as plus tes yeux pour brère. C'est la galère frère et crois-moi t'as pas fini de ramer, vu la manière employée par l'État pour calmer la cité. C'est pas avec des subventions mais à coup de chercheurs qu'ils font le ménage. Bientôt la sédition dans tous les blocs à chaque étage. On tourne la page mais pour ouvrir un nouveau dossier pour ceux qui ont la rage et qui en ont marre de se faire niquer. T'as beau avoir les clés pour t'en sortir, y'a pas d'issue, je vais pas me laisser berner quand je vois que leurs promesses ne sont pas tenues. Sans issue. T'as beau avoir les clés pour t'en sortir, y'a pas d'issue, je vais pas me laisser berner quand je vois que leurs promesses ne sont pas tenues. C'est sans issue, c'est sans issue, c'est sans issue. Le système nous a condamnés. T'as beau avoir les clés. Nous sommes des damnés. T'as beau avoir les clés. Sans issue. Sans issue.